quand les problèmes collent. Difficile de se prendre en main, saoulé sans alcool. J'peux même plus me situer dans le mois, des fois j'suis d'attaque. J'ai bonne mine et une petite coupe fraîche, mais donc j'déprime, j'ai la beubare et la pourrèche. J'maigris et perds courage, l'impression que meurt mon entourage. Que les choses n'évoluent que pour mieux score, c'est au prochain virage. Plus temps d'attendre pendant que des bâtards creusent ma tombe. Maintenant j'veux tout de suite, j'ai tout à prendre comme si j'étais tout psy. Refrain, c'est le retour de Tounsi, mais les yeux rouges sang et les dents longues ce coup-ci. Ne me demande pas d'où j'sors. Gérer dans l'ombre, entre rap et rue faut gérer. J'suis entre deux mondes, j'dois prendre les devants et faire du mieux pour que mon entrée démonte. Pour espérer voir un jour monter des nôtres. On n'attend plus après la bonté des autres. On sait à quoi s'en tenir. On était seul quand on comptait les désastres. Haroun, lyrical guerrier. Front kick, ça sonne comme Fouki, mais c'est plus violent. J'en suis, là où j'en suis, c'est pas par hasard. Si t'es un connaisseur, rien qu'à l'intro, tu sais que c'est du lourd. Plutôt que de renoncer, me faire les GP, c'est mon falsard. J'ai bossé dur sans compter les heures afin d'être au goût du jour. C'était sûr que je me mette en marre, pas d'autres solutions, ils voulaient qu'on se teste. Donc face à ça, fallait prendre position. Donc j'ai choisi mon camp et je suis toujours dans l'aventure. Mais je me suis fait dans la censure, donc je te renvoie l'ascenseur. Tu vas me passer sur les ondes où je vais t'arracher les ongles et te crever les yeux. T'auras même pas l'occasion de compter les bleus. Donne-t'en la peine, car si tu niques ma vie, j'aurais pas besoin de réfléchir pour trouver comment. Niquer la tienne, tu te fais des couilles en or sur le dos du peurat. Donc le peurat te coupera les couilles. Et tes ampoules, c'est tout ce que t'auras. Pas que je pense pas à mes intérêts, je me plie pas à tes règles. Je nique le terrain, paré à prendre par les cornes de taureau. Mon rap est ton rap, front, ton front. Music. Mon rap est ton front. Rap music. Mon rap est ton rap, front. Ton front. Mon rap est ton rap, front. Ton front. Mon rap est ton rap, front. Ton front. T'es complètement crétin, quoi. Tu dois pas être au courant. En fait, tu sais pas trop à qui tu as affaire. Pas vrai, mon pote. Quoi? Bref, tu peux dire adieu au monde des vivants et bonjour aux asticots. Ça commence à rentrer dans ta cervelle de piaf. On n'est plus au Moyen-Âge. Les mecs qui agissent encore comme toi aujourd'hui appartiennent au passé. Et ils ont pas de raison de vivre avec nous. Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que je viens de dire, t'as rien compris du tout? Bah non. J'ai pas l'impression. Mais t'es pas net ou quoi? C'est une question de bon sens, c'est comme ça que ça marche, faut s'y plier. Franchement, moi, j'en ai rien à foutre de ton bon sens. Comment? Moi, je viens de... Baisse pas. Je fais ce que je veux.